one Lord. J'ai rien oublié de tout ce que tu m'as appris. Je me rappelle chacun de tes conseils, même défauts, tu m'as repris. Je me rappelle ton courage, t'es même marqué par les stigmates de l'ouvrage. De toutes les fautes, tu nous as sauvé du naufrage. Je revois ta stature, témoignage d'une vie dure. T'as vécu en pire ce que les frères et nous on endure. Mais tu m'as jamais appris à faire le mal, ni à rendre coup pour coup, même si le mépris ça fait mal. Tu nous as appris à rester humble et vrai, à croire en la justice divine, à nous attendre à parabole de livrer. Voilà 2 ans que tu es parti pour là-haut, il fait toujours aussi froid, sur la terre rien de nouveau. On dédicace ce morceau à nos remparts. One love, one love. Pour ceux qui nous ont appris leur patience à notre égard. One love, one love. Pour leur parcours, leur prière exaucée. One love, one love. Pour leur amour et leur sincérité. One love, one love. Quoi qu'ils ne disent, tranquillement, je sais mes baskets dans une ambiance smooth, sans poser de questions. À l'époque, j'étais loin de me soucier de la vie, comme à l'abri, j'étais loin de me méfier de quiconque. On était loin des embrouilles entre nord et sud, même si parfois on jetait des pierres à ceux qui jouaient des carottes. Et si tard le soir, ça dégénérait en bruit de lascar. Derrière nous, il y avait des grands frères. Je bénis Dieu pour tous ces temps-là, pour la patience de ma mère et la persévérance de mon père. Ce qu'ils m'ont instruit, leur droit sur moi, leur vie que je considère. Leur conseil est toujours un repère. Mais malgré tout, les choses ont basculé, je cite. Échec scolaire, plein de zéros dans l'atmosphère. Ambiance tendue, on sèche les cours, pour finir en garde à vue. Aucun effort dans le mal, on persiste. Certainement l'homme fort en nous résiste. Et comme dominé par ce qu'il y avait triomphé de nous, on se rendait même pas compte du mal qu'on faisait autour de nous. C'est fou. Mais pourtant c'est réel, Mador, dans nos rues combien le péché en graine. Ce que nos parents ont subi ne le méritait pas. On met pas au monde des fils pour qu'ils deviennent des malfrats. Gloire à Dieu, il a changé nos voies, il a donné du repos à nos remparts. Et c'est à eux qu'on dédie ce morceau. One love, one love. On dédicace ce morceau à nos remparts. One love, one love. Pour ceux qui nous ont appris leur patience à notre égard. One love, one love. Pour leur parcours, leur prière exaucée. One love, one love. Pour leur amour et leur sincérité. One love, one love. Tous les matins, je me lève le visage à l'eau froide. Je perds pas courage, daddy. Malgré les claques que me donne la vie, je me bats comme tu me l'as appris. Et je me moque à un suspense qui enveloppe ma vie, tu sais. Je pense souvent à toi, même si c'est loin la dernière fois où on s'est vu, papa. Si tu savais comment les petits ont grandi, tu serais surpris. C'est dommage que tu sois parti. Au fait, comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est cool là-haut? Est-ce que les anges sont bien avec toi? Nous sur la terre, rien de nouveau. Pense à venir me voir dans mes rêves, daddy, à bientôt. On dédicace ce morceau à nos remparts. One love, one love. Pour ceux qui nous ont appris leur patience à notre égard. One love, one love. Pour leur parcours, leur prière exaucée. One love, one love. Pour leur amour et leur sincérité. One love, one love. On dédicace ce morceau à nos remparts. One love, one love. Pour ceux qui nous ont appris leur patience à notre égard. One love, one love. Pour leur parcours, leur prière exaucée. One love, one love. Pour leur amour et leur sincérité. One love, one love. On dédicace ce morceau à nos remparts. One love, one love. Pour ceux qui nous ont appris leur patience à notre égard. One love, one love.